fait si nous étions devenus grands? On serait imparfaits, peut-être de vulgaires étudiants. Plus jamais de goûter, ni de billes dans le fond des poches, à devoir faire ses lacets et de vulgaires lettres d'embauche. Il nous faudrait une montre et des grands principes redoutables, genre on met ta pente, de mettre tes coudes sur la table. On serait égoïste et on trouverait bien ça normal que tu sois pas dans la même liste, puisque toi t'es pas égal. Et puis surtout, on pourrait plus, au fond de nos bacs à sable, avec nos pelles en os fondu, construire l'échafaudage pour aller d'un air convaincu. On aurait l'air malin si on se moquait plus des grands, de leur joie d'être à demain et l'organisation du temps. Toi tu ne serais ni princesse dans un château de papier mâché, moi je ne serais plus voleur avec mon coffre en or percé. On ne chanterait plus en pyjama dans toutes les gares, on ne dormirait plus sur les étoiles filantes le soir. Peut-être qu'on se moquerait à voir sur la place tout là-bas tous ces enfants rêvés chantonnant. Et puis surtout, on pourrait plus, au fond de nos bacs à sable, avec nos pères en os fondu, construire l'échafaudage pour aller d'un air convaincu. Avec nos pelles en os fondu, construire l'échafaudage pour aller d'un air plus surtout. On pourrait plus, au fond de nos bacs à sable, avec nos pelles en os fondu, construire l'échafaudage pour aller d'un air convaincu.